Chapitre 8e. À 9 heures précises, je frappai à l'hôtel du marquis. « Que demandez-vous ? » cria le Suisse. Je répondis « Justine ». Et je coulai rapidement. Je trouvai Justine en sentinelle dans le boudoir. « Comment va-t-elle ? » ?»« Bien doucement. » »« Elle est là, dans sa chambre à coucher. »« Oh mon Dieu, sûrement, et au lit. » »« Elle est alitée. » ?»« Oui, monsieur. » »« Cet imbécile de Jasmin ne m'a pas dit cela. Est-elle seule ? » ?»« Ses femmes ?» Elle est seule, monsieur. Mais je n'ose vous annoncer, ajouta-t-elle, en composant sa petite moue friponne. Je l'embrassai par distraction. Tiens, vois-tu, cette chienne d'ottomane-là, je ne l'oublierai de ma vie. Et toujours, par distraction, je poussai Justine dessus. Elle parut véritablement effrayée. Mon Dieu, madame va entendre, elle ne dort pas, elle ne dort pas. Effectivement, la marquise, forçant sa voix un peu éteinte, demanda qui était là. Justine ouvrit la porte de la chambre à coucher. « Madame, c'est... » J'approchai du lit. Je pris la belle main qui entr'ouvrait les rideaux. « C'est moi. C'est votre amant qui, plein d'inquiétude... »« Quoi, monsieur ? Qui vous a ouvert la porte ? Qui vous a permis ? » ?»« J'ai cru que vous excuseriez. »« Eh bien, monsieur, que voulez-vous ? Insulter à ma douleur ? Redoubler mes chagrins ? Augmenter mon mal ? » ?»« Je viens pour le calmer. »« Le calmer ? Ferez-vous que je n'ai pas entendu ce que votre père a dit ?» Que je n'ai pas lu ce que vous avez écrit ? La marquise fit quelques efforts pour me cacher ses larmes. Madame, devez-vous m'imputer les torts du baron ? Et quant à la lettre ? Monsieur, je ne vous demande pas d'explication, je n'en veux pas. Au moins dites-moi si depuis hier, vous vous sentez un peu mieux. Plus mal, monsieur, plus mal. Mais que vous importe ? Quelle espèce d'intérêt prenez-vous à ce qui me touche ? Pouvez-vous le demander ? Sans doute, j'ai tort. Je dois être convaincu que vous ne m'aimez pas. Ma chère maman, laissez ce nom qui me rappelle mes fautes et mon bonheur, hélas, trop court. Ce nom qui me rappelle un enfant trop aimable et trop aimé. Un enfant dont la fausse candeur me séduisit, dont les charmes peu communs égarèrent ma raison. Je me flattais qu'au moins sa tendresse était le prix de la mienne. Hélas, il me trahissait froidement. Cruel, si jeune encore, vous possédez à ce point l'art de tromper. Non, je ne vous trompe pas. Allez, ingrat, allez au pied de votre Sophie vous faire un mérite de mes douleurs. Dites-lui que la marquise, indignement sacrifiée, gémit de vous avoir connu. Et pour qu'il ne manque rien à mon humiliation, allez trouver votre père qui ose me faire un crime de ma tendresse pour vous. Apprenez-lui que son digne fils m'en a cruellement puni. Mais, Faublas, souvenez-vous du moins, souvenez-vous toujours que cette femme, qu'on vous a dit ardente, vive, emportée, uniquement dévorée de la soif du plaisir, que cette femme ne peut résister au chagrin d'avoir été si cruellement traitée et ne se consolera jamais de vous avoir perdue. Ma chère maman, pouvez-vous méconnaître le sentiment qui me ramène ? Oui, la pitié que vous ne pouvez refuser à mes peines, l'offensante pitié. Non, l'amour, l'amour le plus vif. Je pris une de ses mains qu'elle ne retira plus. On ne peut se figurer combien ces plaintes m'avaient ému, combien je souffrais de l'état où je la trouvais. « Ah ! Me dit-elle, que vous connaissez bien ma faiblesse et ma crédulité. Allons, Faublas, asseyez-vous là. » Je me plaçai sur le bord de son lit. « Eh ! Mais si quelqu'un, si l'on nous voyait ! Faites-moi le plaisir d'appeler Justine. Elle est dans le boudoir. « Petite, que ma porte soit fermée à tout le monde. Tu diras à mes femmes que je repose, et tu recommanderas bien dans l'antichambre qu'on ne laisse entrer personne. Mon ami, vous souperez ici ? De tout mon cœur. Petite, demande une volaille. Tu leur diras que je suis assoupi, fatigué, mais qu'avant de m'endormir, je me sens quelque envie d'entamer une aile. Surtout, je veux être tranquille. Toi, Justine, tu auras un appétit excessif. Tu m'entends bien ? Oui, madame, répliqua la soubrette en riant. Oui, il faut ce soir que je mange comme deux. Dès que Justine fut sortie, je serrai la marquise dans mes bras, et après avoir préludé par de petites caresses, je voulus pousser très loin mes entreprises. On m'opposa une résistance à laquelle je ne m'attendais pas, et Justine, qui apportait un poulet, me força de suspendre l'attaque. La marquise ne voulut pas manger. Moi, tout en dépeçant l'animal, je considérais l'appartement avec une attention que ma belle-maîtresse remarqua. Mais que regarde-t-il donc ainsi ? Cet appartement, que je reconnais avec plaisir, il me semble que c'est ici... La marquise me comprit. Oui, c'est ici que la figure de Mademoiselle du Portail m'a joué un vilain tour. Pourquoi vilain ? Pourquoi ? parce que Faublas est un trompeur. Ah, vous allez recommencer la querelle. En vérité, maman, vous êtes ce soir bien singulière. Vous voulez qu'on dispute, et vous ne voulez pas qu'on se raccommode. Justement, monsieur le libertin et ingrat, vous avez de bonnes raisons, vous, pour vouloir tout le contraire. C'est un raccommodement que vous visez, et vous esquivez la dispute. Au reste, puisque nous en sommes là-dessus, demandez au baron s'il ne faut pas... Quoi, maman? Il se pourrait que ce que mon père a dit, ce serait là ce qui empêcherait. Que ce soit cela ou autre chose, toujours est-il certain, monsieur le conquérant, que ce soir, il n'y aura pas entre nous de raccommodement dans ce sens-là. Ah, ma petite maman, c'est précisément dans ce sens qu'il y en aura. Je vous assure que non. Je vous proteste que si. L'air déterminé dont j'affirmais parut effrayer la marquise. Je la vis s'arranger de la manière qu'elle jugea la plus propre à me contrarier. Oui, oui, faites vos dispositions, mais dès que j'aurai soupé, quand Justine ne sera plus là, vous verrez. Justine ne s'en ira pas. Petite, ne quitte pas mon appartement. Chevalier, asseyez-vous ici, un peu plus près de nous. Là, bien, j'ai quelque chose à vous dire. Elle passa un bras derrière moi, appuya sa tête sur mon épaule, et après m'avoir donné un baiser, Faublas, m'aimez-vous? Dit-elle en baissant la voix. Maman, n'en doutez plus. Je vous en demande une preuve. De ne pas insister ce soir sur le raccommodement. Pourquoi cela? Mon ami, j'ai la fièvre. Vous la gagneriez. Eh bien, qu'importe? Qu'importe? Répéta-t-elle en m'embrassant. J'aime cette réponse-là. Que n'est-elle aussi sage qu'elle me paraît flatteuse? Mon bon ami, mon cher Faublas, je ne veux pas d'un bonheur qui vous coûterait votre santé. Quelle femme assez peu délicate pourrait acheter à ce prix quelques instants rapides d'une jouissance d'autant moins douce qu'elle est plus répétée? Quelle femme assez aveugle, assez insensible, pourrait, en se donnant à toi, ne céder qu'à l'attrait du plaisir? Qui, moi, j'énerverais tes forces, j'épuiserais ta jeunesse, j'altérerai un des plus beaux ouvrages de la nature. Je détruirai un de ses chefs-d'œuvre les plus séduisants. Non, mon cher Faublas, non. Pour t'épargner des regrets, je combattrai tes désirs et ma propre faiblesse. Dans tous les temps, tu me trouveras prête à m'immoler pour ton bonheur, et loin de te préparer des jours tristes ou douloureux, je donnerai, s'il le faut, ma vie pour prolonger, pour embellir la tienne. Oh, des amants le plus louable et le plus aimé, ce n'est pas pour moi seulement que je te chéris. Bah, quoi qu'on puisse en dire, c'est toi, toi-même, que j'adore en toi. Mon bon ami, promets-moi de ne pas insister ce soir. Je renverrai Justine. Tu seras là, je te verrai, je t'entendrai, je m'endormirai peut-être sur ton sein, je serai trop heureuse. Mon bon ami, donne-moi ta parole d'honneur. Chevalier, répondez-moi donc. Mais voyez comme il réfléchit pour une chose si simple. La marquise avait raison, je réfléchissais. Je pensais à Sophie. Je faisais à ma jolie cousine l'hommage des privations qu'on m'imposait. Et cette idée m'inspirant le courage de les supporter, je promis à sa rivale d'être sage. Aussitôt Justine reçut l'ordre de s'éloigner. « Faublas, je suis contente de vous, » reprit la marquise, d'un air de satisfaction. « Causons tranquillement. Ce plaisir-là, s'il est moins vif qu'un autre, est plus durable. »« De quoi riez-vous? D'une idée peut-être singulière. » Dites, mon ami, dites. Si l'on pouvait imposer à une femme qui attend son amant la condition de le garder pendant 2 heures, pour causer avec lui seulement, ou de le renvoyer au bout de 5 minutes, qu'alors elle emploierait à son gré, mon ami. Beaucoup de belles dames trouveraient l'alternative embarrassante. On dit qu'il y en a pour qui le plaisir de parler sentiment est le nec plus ultra de l'amour. Toutes les autres fonctions d'une maîtresse coûtent singulièrement à leur complaisance. D'honneur, je crois que s'il en existe, elles sont du moins en bien petit nombre. En revanche, je vous assure qu'il s'en rencontrerait beaucoup, mais beaucoup, à qui ce bavardage et cette inaction de 2 heures paraîtraient fort ridicules. J'en connais qui aimeraient mieux rester muettes toute leur vie. Ce n'est pas vous, maman. Moi, je serais du parti qui accorderait les 2 autres. Oui, oui, mon ami. Les 2 heures de conversation, ce serait pour aujourd'hui, supposons. Et les 5 minutes de bonheur, je les garderais pour demain. Pour demain, souvenez-vous-en bien. Ah! Ah, vous l'avez dit. Oui, mais ce n'était qu'une supposition. La marquise mit beaucoup du sien dans l'entretien que nous eûmes ensemble, et je lui découvris 1000 perfections, dont je n'avais pas encore eu le temps de m'apercevoir. Elle m'étonna par une foule de traits, satiriques, ingénieux ou brillants. Il lui échappa même quelques pensées un peu philosophiques, mais pas une seule réflexion morale. J'admirais surtout en elle cette élocution élégante et facile que l'usage du grand monde donne quelquefois, cet esprit naturel et fin qui ne s'acquiert jamais, un goût épuré dont auraient grand besoin beaucoup de nos beaux esprits que je ne nomme pas, et plus de savoir que n'en a communément une femme jeune ou jolie. Je ne croyais trop près d'elle que depuis un quart d'heure, quand nous entendîmes sonner minuit. « Voici le moment de la retraite, mon ami, » me dit-elle. « Il faut que Justine vous reconduise elle-même jusqu'à la porte, à cause de mon Suisse qui n'entend pas raison. » La suivante, attentive, accourut au premier coup de sonnette. « Petite, tu vas reconduire ton amoureux. » « Comment, son amoureux ?»« Eh, sans doute, vous ne comprenez pas que Justine, qui fait entrer un jeune homme le soir, qui le reconduit à minuit, a tout à fait l'air d'avoir une affaire de cœur. Je suis sûr que demain on le dira tout haut dans l'office. Mais la petite sait bien que je la dédommagerai amplement de ce qu'elle pourra souffrir à cause de moi. Adieu, mon cher Foiblas. On vous verra demain sur les 8 heures. Au plus tard. Mon ami, je serai malade pour tout le monde. Allons, petite, reconduis-le, car enfin il faut ménager un peu ta réputation. Plus il s'en ira tard, et plus on s'égaillera sur ton compte. Allez sans lumière, pour qu'on ne vous voie pas dans le petit escalier, et marchez bien doucement, de peur de vous blesser. Justine et moi nous entrâmes dans le boudoir. J'eus bien soin de fermer la porte de la chambre à coucher qui y communiquait, tandis que Justine ouvrait à tâtons celle qui conduisait à l'escalier dérobé. Au lieu de suivre sur cet escalier ma conductrice qui me tendait la main, je la tirai doucement vers moi. « Mon enfant, » lui dis-je si bas qu'à peine elle l'entendit, « tu te souviens bien de la scène de l'Ottomane. Je veux me venger. Aide-moi, ne dis mot. » Justine, toujours disposée à me servir, me seconda si bien sur l'Ottomane que la marquise elle-même n'aurait pu mieux faire. Jamais je n'éprouvais mieux combien eut raison celui qui le premier écrivit « La vengeance est le plaisir des dieux. » Si l'on veut se pénétrer de mon esprit, considérer mon âge, examiner ma position, on verra que je ne pouvais manquer au rendez-vous du lendemain. La marquise m'attendait avec impatience. Elle me prodigua les caresses les plus flatteuses et les noms les plus doux. Elle satisfit même ma curiosité, toujours empressée, avec une complaisance qui me parut du plus favorable augure. Mais, comme la veille, elle arrêta mes transports au moment de les couronner, et prétextant encore sa fièvre maudite, elle me refusa constamment la preuve la plus certaine de la tendresse d'une amante, cette preuve si chère à tous les jeunes gens, si nécessaire aux plus ardents de tous. Je supportai ma peine assez patiemment, dans l'espérance qu'au moins la jolie suivante, au moment du départ, aurait pitié de moi. Point du tout. La marquise, qui n'était plus alitée, me reconduisit elle-même jusqu'à l'escalier dérobé. Je voyais bien que Justine souffrait de ma douleur, mais pouvait-elle me consoler dans la cour? Je rentrai chez moi, bien chaste et bien désolé. Rosenberg, que j'instruisis des rigueurs de ma belle maîtresse, n'en parut point étonné. Il me dit « Je vous ai prévenu que Madame de B réglait sa conduite sur les circonstances et la changeait selon les événements. » Quelles que soient les qualités physiques et les facultés morales de Mademoiselle de Pontis, puisque le chevalier l'aime, elle est à ses yeux spirituelle et jolie. Cette passion est légitime, honnête et vertueuse. C'est un premier amour. Il naquit de la sympathie. Il vit de privation. Il croîtra par les obstacles, l'habitude et l'espérance. Mademoiselle de Pontis est donc une rivale dangereuse. Voilà, n'en doutez pas, ce que s'est dit la marquise. Mais, après avoir examiné les moyens de son ennemi, elle a calculé ses propres forces et la faiblesse du jeune Adonis dont il s'agit de disputer le cœur irrésolu. Irrésolu, Rosenberg! Eh oui, irrésolu quant à présent. Vous adorez l'une, mais vous ne pouvez vous décider à lui sacrifier l'autre. À votre âge, l'attrait du plaisir a une force irrésistible. Vous savez de quel plaisir je veux parler. Sophie ne peut pas vous l'offrir, celui-là. C'est Madame de B. qui en est la dispensatrice intéressée. Eh bien, mon ami, irritez sans cesse vos désirs, les satisfaire quelquefois, ne les épuisez jamais. En deux mots, voilà son plan. C'est pour rendre ses faveurs plus précieuses qu'elle en sera désormais avare. croyez qu'elle souffrira comme vous des privations qu'elle va vous imposer, mais à quelque prix que ce soit, la marquise a juré de vous conserver. Enfin, il est temps de retourner à Sophie. Elle lui, enfin, la troisième journée. Je puis aller au couvent voir ma jolie cousine. Oh, comme depuis 3 jours, elle est encore embellie. Pendant 2 mois à peu près, j'eus le bonheur de l'entretenir au parloir régulièrement 2 fois par semaine. Oh, pouvoir prodigieux des vertus et de la beauté réunis! En quittant ma Sophie, j'imaginais toujours qu'il était impossible que je l'aimasse davantage, et chaque fois que je la voyais, je sentais que mon amour était encore augmenté. Il faut avouer cependant que dans le cours de ces 2 mois, je vis souvent la belle marquise, qui, toujours attachée au plan de réforme qu'elle avait en effet adopté, économisait nos plaisirs au point de me refuser quelquefois le nécessaire. Et il faut avouer encore que ma jolie petite Justine, qui savait très bien mon adresse, venait incognito chez moi recueillir les épargnes de sa maîtresse. Monsieur du Portail, impatient de retrouver sa chère fille, était parti depuis 6 semaines pour la Russie dans l'espérance de s'y procurer quelques lumières sur le sort de Dorliska. Un jour que j'étais avec Rosenberg à l'opéra, nous rencontrâmes le marquis de B. Il salua le comte d'un air froidement poli, mais il me fit l'accueil le plus caressant. Il se plaignit de ce que, depuis plus de 2 mois, il n'avait pas eu le bonheur de pouvoir me joindre, et il me demanda comment mon père se portait. « Fort bien, monsieur le marquis, il est actuellement en Russie. » « Ah, cela est donc vrai. Assurément. Mademoiselle du Portail, ma sœur se porte à merveille. Toujours à Soissons ? Oui, monsieur. Et quand revient-elle dans ce pays-ci ? Au carnaval prochain, répondit aussitôt Rosenberg. Pour détourner cette plaisanterie dont je craignis l'effet, j'assurai au marquis que ma sœur viendrait passer l'hiver à Paris. Mais, reprit M. de B., vous ne demeurez donc plus à l'arsenal ? Toujours, monsieur. En ce cas, recommandez donc à vos gens d'être un peu plus civils et plus attentifs. Ils m'ont bien dit que monsieur votre père était allé en Russie, mais quand je leur ai demandé de vos nouvelles et de celles de mademoiselle votre sœur, ils m'ont répondu brusquement que monsieur du Portail n'avait pas d'enfant. C'est que son père le gêne beaucoup, interrompit Rosenberg. Il ne lui permet de recevoir personne. Oui, monsieur, la réponse qu'on vous a faite est sans doute une suite des ordres que mon père aura donnés. Eh bien, je croyais monsieur votre père plus raisonnable. Un jeune homme doit avoir un peu de liberté. Une demoiselle, oh, c'est différent. On ne saurait veiller les filles de trop près. Et je connais des demoiselles très comme il faut, qu'on ne tient pas assez, à qui on laisse faire de mauvaises connaissances. En disant cela, il regardait Rosenberg d'un air malin. Mais vous, cela est trop rigoureux. Tenez, je veux vous procurer quelque agrément, quelque dissipation. La marquise est ici. Je veux vous présenter à la marquise. Monsieur, je ne puis. Venez, venez, elle vous recevra bien. Je ne doute pas que, présenté par vous... Mais, monsieur... Eh, mais pourquoi toutes ces façons ? Me dit Rosenberg. Madame la marquise est très aimable. N'est-il pas vrai, monsieur ? Reprit le marquis, en s'adressant d'abord au comte et ensuite à moi. N'est-il pas vrai qu'elle est très aimable, ma femme ? Elle a beaucoup d'esprit. D'abord, je ne l'aurais pas épousée sans cela. La vérité est que madame la marquise a beaucoup d'esprit, et monsieur le sait bien, s'écria Rosenberg. Monsieur le sait bien, répéta le marquis. Oui, monsieur, ma sœur me l'a dit. Ah, mademoiselle votre sœur, oui. Je vous assure, monsieur, qu'il ne manque à ma femme que d'être un peu plus physionomiste. Mais cela viendra, cela viendra. J'ai déjà remarqué qu'elle a un goût naturel pour les belles figures. Monsieur du Portail, la vôtre est très prévenante, et puis vous ressemblez singulièrement à mademoiselle votre sœur, que la marquise aime beaucoup. Venez, suivez-moi, je vais vous présenter à la marquise. En vérité, monsieur le marquis, je suis désolé de ne pouvoir mieux répondre à tant d'honnêteté, mais je me suis, pour ainsi dire, dérobé de chez moi. Je vais me cacher dans le parterre. Je ne puis paraître dans une loge. Si quelqu'un des amis de mon père me voyait, il lui écrirait sûrement, et vous n'avez pas l'idée de la scène que monsieur du Portail me ferait à son retour. Il y a des parents bien ridicules. Je savais bien que j'avais quelque chose à vous demander, monsieur. Connaissez-vous un certain monsieur de Faublas ? Je répondis sèchement, non. Mais le comte le connaît peut-être ? Continua le marquis. De Faublas, répliqua Rosenberg. Mais oui, je crois avoir entendu ce nom-là, j'ai vu cela quelque part. Il prit le marquis par la main, en affectant de parler plus bas. Ne parlez jamais des Faublas devant les du Portail. ces deux familles-là sont ennemies. Il y aura du sang, répondu au premier jour. Tout cela s'est donc découvert ? Répliqua le marquis à mi-voix. Quoi, tout cela ? Répondit Rosenbert. Bon, vous m'entendez, du reste. Non, le diable m'emporte. Oh que si, mais vous avez raison. À votre place, je serai aussi discret que vous. D'honneur, si je comprends un mot. Allons, brisons-la, dit le marquis. Il éleva la voix. Ah ça, dis-moi, Rosenbert, car je suis un bon diable. Je ne sais pas garder rancune, moi. Dis-moi pourquoi, depuis plus de 6 semaines, tu n'es pas venu nous voir. Des affaires. Bon, des affaires, des maîtresses. On ne m'attrape pas, bah. J'espère qu'au moins tu voudras bien venir saluer la marquise. Assurément. Chevalier, vous voulez bien m'attendre ici un moment ? Le marquis, en me quittant, me répéta qu'il regrettait fort de ne pouvoir me présenter à sa femme. Un quart d'heure après, Rosenbert revint à moi en riant. « Madame de B n'a pas paru fâchée de me voir, me dit-il. Elle m'a reçu poliment. Nous nous sommes traités réciproquement comme des gens de connaissance qui se souviennent de s'être rencontrés souvent dans le monde. Pourtant, la marquise a été un peu étonnée quand son bon mari lui a dit que j'étais ici avec M. du Portail, le fils, qui n'avait jamais osé lui venir présenter ses devoirs. Vous concevez que, tout étant fini entre Madame de B et moi, je n'ai pas cherché à augmenter l'embarras de sa position. Au contraire, je l'ai charitablement aidé à me tromper moi-même. Je suis entré dans toutes ses idées aussi bonnement que son cher époux. Ce qu'il y a de fort singulier, c'est que j'ai trouvé de temps en temps de grandes obscurités dans cette plaisante scène, qui m'a d'ailleurs beaucoup amusé. Vous m'expliquerez cela, Faublas. Tenez, quoique Madame de B parle à bas dans ce moment-là, j'ai pourtant bien entendu qu'il disait à la marquise « Madame, je vous le disais bien que cette demoiselle du Portail n'était pas une fille honnête. Tout cela s'est découvert. Les du Portail sont furieux, et s'ils rencontrent ce monsieur de Faublas, ils lui feront un mauvais parti. Je suis sûr que le voyage de la demoiselle à Soissons et celui du père en Russie ne sont que des prétextes. Aussi ce père a bien mérité cela. Il gêne horriblement son fils, et il laisse faire à sa fille tout ce qu'elle veut. » « Voilà, à peu près, continua le comte, ce que le marquis a dit. Faublas, vous êtes au fait. Faites-moi le plaisir de m'apprendre ce que tout cela signifie. » Je contai à Rosenbert comment le marquis avait trouvé mon portefeuille dans un mauvais lieu, comment il avait prouvé à sa femme que Mademoiselle du Portail était une... comment la marquise s'était fait rendre mes lettres sur son ottomane, moi présent. Le comte donna un libre cours à sa gaieté et finit par me demander pourquoi je n'avais pas voulu être présenté à Madame de B. « Mon ami, lui répliquai-je, si j'étais follement épris de la marquise et qu'il n'eût pas eu d'autre moyen de la voir que celui-là, je l'aurais employé. Mais puisque nous nous joignons facilement, tantôt d'un côté, tantôt d'un autre, puisque les rendez-vous ne nous manquent pas, pourquoi aurais-je encore été chercher les dangers sous un travestissement nouveau ? Quoi donc, cela aurait produit des scènes plaisantes. À votre place, la marquise n'aurait pas balancé. » Après le spectacle, je suivis Rosenbert à la loge de Mademoiselle X, qu'il connaissait particulièrement. Une danseuse était avec la princesse. « Il est joli, » dit celle-ci, après m'avoir majestueusement toisé. « C'est l'amour, » répondit l'autre, « c'est le chevalier de Faublas. » Je remerciai vivement l'honnête personne qui m'adressait un compliment si flatteur. « Chevalier, » me dit-elle, « je vous ai entrevu quelque part, et depuis plusieurs mois j'entends parler de vous presque tous les jours. Vous pouvez être une très belle fille, mais quant à moi, j'aime mieux un joli garçon. » Je fixai le comte. « Rosenbert, il me paraît que vous m'aviez annoncé. » Rosenbert me donna sa parole que non. Cependant, les deux dames se parlaient à l'oreille et Coralie, c'est le nom de la danseuse, Coralie riait comme une folle. Ai-je besoin de dire que déjà la partie carrée se décidait, que nous soupâmes chez la déesse, que je ramenais la nymphe chez elle et que j'y partageais son lit? Qui ne sait pas qu'à l'opéra, les divinités sont de bien faibles mortels, que c'est le pays du monde où les passions se traitent le plus lestement, que c'est là surtout qu'une affaire de cœur commence et s'achève dans la même soirée. Coralie n'était ni belle ni jolie, mais elle avait la vivacité qui plaît, les grâces qui attirent. On écoutait avec plaisir son petit jargon galant. Sur sa figure mutine régnait la gaieté. Son maintien, un peu dévergondé, provoquait le désir. Au reste, grande et bien faite, belles mains, jolis pieds, superbe peau. Coralie, d'ailleurs, possédait si bien l'art des voluptés secrètes. Elle épuisait avec tant de discernement toutes les ressources du métier. J'oubliais dans ses bras Justine et Madame de B. Mais par une singularité que je n'entreprendrai pas d'expliquer, l'image des vertus les plus pures vint, au sein du libertinage, se présenter à mon esprit troublé. Et ce qui n'est pas moins digne de remarque, je m'avisais de vouloir parler dans un de ces moments où l'homme le plus étourdi, exempt de toute distraction, ne laisse échapper que de très courts monosyllabes ou de longs soupirs étouffés. « Hein, Sophie ! » m'écriai-je. « J'aurais dû dire Coralie. »« Sophie ? » répéta la nymphe sans se déranger. « Sophie, vous la connaissez ? » « Eh bien, c'est une sotte, une bégueule, une pécore, qui n'a jamais été jolie et qui est fanée, et à qui il est arrivé la semaine passée. » Elle ne put en dire davantage. Mais quoiqu'en parlant prodigieusement vite, elle avait si bien employé son temps, que je ne savais lequel admirer le plus, ou de l'étonnante agilité de ce corps si souple, ou de l'extrême volubilité de cette langue si déliée. Il était 10 heures du matin quand je quittais Coralie. Le baron, informé de mon absence, attendait impatiemment mon retour. Il me fit souvenir, d'un ton sévère, qu'il m'avait prié de ne jamais coucher ailleurs qu'à l'hôtel. Je montai chez moi, mais ce person m'y attendait. J'allais lui reprocher sa trahison, il me prévint. Il m'observa qu'il était impossible que le baron ignorât cette échappée nocturne, qu'en pareil cas, le devoir d'un gouverneur était d'avertir un pair, et que se laisser prévenir par le Suisse ou par quelque autre domestique c'eût été fort maladroitement découvrir notre intelligence. Je n'avais rien à répondre à de si bonnes raisons, et puis j'étais occupé de toute autre chose. Jasmin venait de me remettre une lettre qu'on lui avait laissée depuis plus d'une heure. Je voyais avec surprise qu'elle était adressée à Mademoiselle du Portail. Je décachetai promptement, je lus. Quelqu'un qui part ce soir pour Versailles m'assure que Mademoiselle du Portail n'est point à Soissons et que sans doute elle se cache dans les environs de Paris. Si cela est, cette charmante enfant, qui doit se souvenir de moi, montera demain matin à cheval avec son habit d'Amazone et viendra, suivi d'un seul domestique, couvert d'un habit bourgeois, me joindre à 8 heures précises au bois de Boulogne, à la porte de Boulogne même. Je suis, s'il faut l'en croire, celui qu'elle aime encore, etc. Le vicomte de Florville. En effet, m'écriai-je, j'ai depuis longtemps parole avec le vicomte. « Allons, ce sera pour demain matin. Jasmin, tu vas venir avec moi. » J'allai acheter un beau cabaret de porcelaine, et je chargeai Jasmin de le porter de ma part à Mademoiselle Coralie, rue Mêlée, Porte-Saint-Martin. Au retour de mon domestique, je lui demandai ce qu'avait dit Mademoiselle Coralie. « Monsieur, elle m'a fait répéter plusieurs fois votre nom. »« C'est bien de la part du chevalier de Faublas. Un jeune homme, tout jeune. » qui a tout au plus 17 ans. « Mais, mademoiselle, lui ai-je dit, est-ce que vous ne le connaissez pas ?» Elle a répondu, « Si fait, mais il est bon de s'expliquer. Vous direz au chevalier de Faublas que je l'attends demain à souper. » Demain, à souper, Jasmin, mais cela s'arrange assez mal. Je passerai la journée avec le vicomte de Florville. Allons, n'importe, je ne veux pas désobliger Coralie. Jasmin me laissa, et je me livrai à mes réflexions. « Oh, ma jolie cousine, que d'injures, que d'infidélités je te fais. Des infidélités, mais non. J'offre à mes maîtresses un hommage impur, que ma vertueuse amante rejetterait, qui profanerait les charmes de Sophie. Mais Madame de B., Justine, Coralie en même temps, trois à la fois, eh bien, fussent-elles sans, qu'importe, ou plutôt, mon excuse n'est-elle pas dans le nombre? Si Madame de B. était aimée, lui donnerais-je des rivales? La marquise m'occuperait-elle si j'avais un attachement sérieux pour Justine ou pour Coralie? Non, non, ces trois intrigues-là ne signifient rien. Ce ne sont que des goûts passagers. C'est l'effervescence de la jeunesse. La marquise, il est vrai, me paraît beaucoup plus aimable que les deux autres. Mais enfin, il n'y a que ma jolie cousine qui m'inspire un amour pur et désintéressé. Oui, ma Sophie, ma chère Sophie, il est clair que je n'aime que toi. Ainsi s'achève le tome 1er des Amours du chevalier de Faublas de Louvet de Couvray.